إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui notre dars dans le livre du Cheikh Al-Fawzan, دروس من القرآن الكريم, et on est arrivé à la troisième catégorie des gens dans leur position vis-à-vis de la foi en Al-Qur'an. Et aujourd'hui on va parler de ceux qui ont la foi, ou qui montrent à l'extérieur qu'ils ont une appartenance à la foi, mais qui n'ont pas de foi dans leur cœur. Donc, c'est-à-dire, c'est la catégorie des munafiqoun. Et lorsqu'on commence Suratul Baqara, comme on a déjà expliqué dans les cours passés, on commence avec une description des mu'minin, c'est-à-dire ceux qui ont at-taqwa. Puis deux versets qui parlent des gens qui ont al-kufr, ou qui sont des kuffars. Puis en troisième, Allah subhanahu wa ta'ala commence à décrire une autre catégorie qui sont les munafiqin, c'est-à-dire les hypocrites. Et donc c'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui. Le Cheikh il dit al-qism al-thalith الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا وهؤلاء هم المنافقون وهم شر ممن قبلهم شر من الكفار وأخطر لأن الكفار يعلم أنهم كفار فيؤخذ الحذر منهم لكن هؤلاء لا يعلم المسلمون أنهم كفار فيؤخذ الحذر منهم لسلامة ظاهرهم واختلاطهم بالمسلمين فيحسنون الظن بهم ولا يحذرونهم وهم يفسدون في الأرض. Donc le Cheikh il dit que la troisième catégorie, ce sont les gens qui ont cru extérieurement au Coran, mais qui ont mécru au Coran dans leur cœur. Et ceux-là, ce sont les munafiqoun, c'est-à-dire les hypocrites. Le Cheikh il dit, donc, ce sont les munafiqoun. Ils sont pires que ceux qu'on a mentionnés auparavant, c'est-à-dire pires que les kuffars et plus dangereux que les kuffars. Car les kuffars, on connaît, on sait qu'ils sont kuffars. Et donc, on peut faire attention à eux. On peut se méfier d'eux et faire attention. Tandis que les munafiqoun, on ne sait pas justement qu'ils sont des kuffars, parce qu'ils cachent leur mécréance. Donc à l'apparence, tu les regardes, tu dis, ça c'est des mu'minines, c'est des musulmans. Alors que, en réalité, ce sont des kuffars. Pourquoi? Parce qu'ils ont une apparence extérieure qui montre qu'ils sont des musulmans. Ils ont des non-musulmans, et puis ils font la salat. Ils se mélangent aux musulmans et ils parlent comme des musulmans quand ils mentionnent toujours Alhamdulillah, Masha'Allah, Donc ça, c'est des signes extérieurs qui montrent que ce sont des musulmans. Donc ils se mélangent aux musulmans et on a une bonne pensée d'eux. Et on ne prend pas garde, on ne fait pas attention à leur sujet. Alors qu'ils font le désordre sur la terre. Le cheikh il dit ensuite, فَخَطَرُهُمْ أَشَدُّ مِنْ خَطَرِ الْكُفَّارِ وَلِهَذَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ آيَةً من قوله تعالى ومن الناس من يقول إلى قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Donc le cheikh il dit que leur danger, le danger des hypocrites, est plus grave et plus grand que le danger des kuffars. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé 13 versets à leur sujet, hein, tandis qu'il a uniquement mentionné 2 versets pour les kuffars. Il a mentionné 13 au sujet des hypocrites. Et ça commence à partir du verset qui dit « Wa minan nasi man yaqulu » Parmi les gens, il y en a qui disent « Nous croyons » jusqu'à la fin. Et il termine, ou la description termine avec le verset qui dit « وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. Et si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, il aurait enlevé leurs ouïes et leur vue. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes le pouvoir sur toutes choses. Donc le cheikh il dit وَذَلِكَ لِخَطَرِهِمْ وَقُبْحِهِمْ وَأَنَّهُمْ أَقْبَحُ مِنَ الْكُفَّارِ الْأَصْلِيِّينَ وَلِهَذَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. Donc le cheikh il dit, et c'est pour ça que leur danger et leur laideur est plus grave et plus laide que celle des kuffars qui sont à la base kuffars. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que les hypocrites sont dans les plus grandes profondeurs du feu de l'enfer. Hein, ils sont au fond de l'enfer. Parce qu'on sait que l'enfer n'a pas un seul niveau. Hein, c'est des profondeurs après des profondeurs sur des profondeurs, etc. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas seulement un degré dans l'enfer, il y a plusieurs niveaux. Et plus tu es bas, plus tu es dur dans le châtiment. Hein? Donc, les munafiqines, eux, ils sont parmi les plus bas dans l'enfer. Et Allah, le cheikh, il dit الدرك الأسفل أي تحت الكفار وعبدة الأوثان والعياذ بالله. Donc, le cheikh, il dit que les munafiqines, ils seront, quand on dit dans les profondeurs, c'est-à-dire ils seront en dessous des kuffars et des idolâtres, ceux qui adoraient les idoles ou ceux qui adoraient autre que Allah. Wal'iyadu billah, que Allah nous en protège. D'accord? Donc ça c'est quelque chose de très important à comprendre. Et le cheikh a mentionné qu'ils sont plus laids et plus kuffars que les kuffars al-asliyin. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de musulmans aujourd'hui ne comprennent pas. Hein? Par exemple, la distinction entre al-kafir al-asli, Al-Kafir Al-Asli et Al-Kafir Al-Murtad ou bien Al-Munafiq, hein? Donc les ulama ils ont fait une distinction entre le Kafir Asli, c'est-à-dire le Kafir qui est né dans le Kufr et qui a jamais accepté l'islam, hein? Donc il est né dans une famille chrétienne, il a grandi dans le christianisme, il n'a pas cru en l'islam et ou bien dans le judaïsme, hein? Ça c'est un Kafir Asli. Et il y a Al-Murtad, celui qui était musulman puis qui a quitté l'islam. Hein, il a grandi dans l'islam puis il a quitté l'islam par des croyances de kufr et des croyances de shirk. Donc ça, c'est des kuffar murtadoun, hein, c'est des apostats. Et les ulama, ils ont expliqué que les murtadoun sont plus dangereux, hein, et plus égarés et plus loin dans le kufr que les kuffar al-asliyoun. Et il y a une différence entre eux même du fait que, par exemple, on a le droit de marier les femmes des gens du livre parmi les chrétiens et les juifs, et on a le droit de manger leur viande s'ils les gorgent, et également s'il y a un djihad avec un imam et qu'on les combat et qu'ils décident de payer al-jizya, hein, de payer une sorte de paiement de une taxe de capitation pour dire que ils ont abandonné le combat contre les musulmans et qu'ils veulent rester sur leur religion, on doit accepter la jizya d'eux et on n'a plus le droit de les combattre. Hein. Contrairement aux murtadoun, on n'a pas le droit de manger leur viande ni d'épouser leur femme et on n'a pas le droit non plus d'accepter d'eux la jizya. Hein. C'est soit l'épée ou l'islam, de revenir à l'islam. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de musulmans n'ont pas accepté. Et lorsqu'il y a des événements politiques qui se passent dans le monde, on voit que l'attitude des gens de Bid'a ou l'attitude des Hizbiya, yani, c'est qu'ils prennent avec les émotions. Ils prennent une position par rapport aux émotions, plutôt de prendre une position qui est établie selon Al-Aqidah, Al-Salafiyya et selon le Manhaj Al-Haq. Donc, lorsqu'il y a un événement politique, tu les vois commencer à tourner à gauche et à droite. Hein. Donc on sait la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a vis-à-vis des Rafida par exemple. Et on sait que ce sont des kuffars. Hein. Les Shia Rafida sont des kuffars. Et yani, ils ont plusieurs formes de kuffr dans leur aqida par exemple. Yani, ils adorent autre avec Allah subhanahu wa ta'ala et ils cherchent le secours et l'aide des morts et ils invoquent Ali et Hussein et Fatima et Al-Hassan et ils invoquent également yani, leurs imams, leurs 12 imams en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont établi sur leurs tombeaux des sanctuaires, des mosquées et ils vont à leur mosquée et à leur tombe. Et ils cherchent leur intercession, ils cherchent leur support et l'aide, et ils leur demandent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils les invoquent. Ils font également le tawaf autour de leur tombe, hein, et ils font des vœux à leur tombe, etc. Donc tout ça c'est des actes de shirk et de kufr qui font que quelqu'un quitte l'islam, et ça fait partie de leur religion. Donc ce sont des kuffars pour cette raison-là. Et également, ils ont d'autres aspects et d'autres formes de shirk. C'est-à-dire qu'ils croient que tous les sahaba sont devenus des murtadoun après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, déjà là aussi, c'est le fait qu'ils ont dit ça, c'est le fait qu'ils ont été déclarés kuffar à cause de ça. Comme l'imam Malik l'a mentionné, que c'est uniquement les kuffar qui détestent les sahaba en se basant sur le verset dans sourate Muhammad. Hein, à la fin, il y a un verset qui dit لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ, c'est-à-dire pour établir la colère et la haine dans le cœur des kuffars par rapport aux sahaba. Et donc, l'imam Malik a dit celui qui les déteste, alors il rentre dans cette description, c'est-à-dire il fait partie des kuffars lui aussi. Et il y a beaucoup d'exemples de ce genre. Yani. Donc, ils ont également une croyance que le Coran qu'on possède, c'est pas le Coran qui a été révélé, et que le vrai Mus'haf, le vrai Coran, il est caché actuellement avec l'imam Mahdi, qui est selon eux dans une grotte depuis 1200 ans, et ils attendent qu'il va sortir un jour vers la fin des temps. Hein? Donc ça, c'est une autre de leurs superstitions. Et ils ont également beaucoup d'autres croyances de déviation et d'égarement par rapport à leurs imams, du fait qu'ils croient qu'ils ont une connaissance infaillible et une connaissance infinie de toutes choses, et qu'ils ont le contrôle de tout ce qui est dans l'univers, et que tous les atomes de l'univers se soumettent à leur autorité. Donc ça c'est un exemple de kufr et de shirk dans Ar-Rububiyya, puisqu'ils donnent à autre que Allah subhanahu wa ta'ala des attributs divins. Donc ça c'est des exemples de l'égarement de ces gens-là. Donc quiconque dit par exemple ou pense que Hezbollah c'est un parti qui est musulman et qu'il faut le supporter et qui s'attache émotivement comme certains de ces gens de Bid'a parmi les Hezbiyyin qui les défendent et qui se mettent à côté d'eux pour combattre les juifs soi-disant, alors ils doivent savoir que Al-Kuffar, Al-Murtadoun, et sont plus égarés et plus loin dans la mécréance que les kuffars al-asliyin, c'est-à-dire al-yahoud. Et donc ça c'est une réfutation en même temps pour des gens comme al-Qardawi qui essaient d'utiliser la sourate dans Ar-Rum pour essayer de justifier qu'on doit supporter par exemple al-Hezbollah contre les juifs en disant que lorsque il y a eu le combat entre les Perses et les Romains, les musulmans étaient contents justement pour lorsqu'il y a eu la victoire des Romains. Et en réalité, c'est une réfutation, c'est une preuve contre eux-mêmes, puisque yani, les Romains sont Ahlul Kitab, alors que les autres sont des Majus et des idolâtres. Alors, aujourd'hui, c'est la même chose. Hezbollah, c'est des idolâtres, et Al-Yahoud, ce sont des gens du livre. Wallahu al-musta'an. Et cette fitna a fait beaucoup de désastres et beaucoup de désordres dans la Ummah. Qu'Allah nous en protège et nous guide au droit chemin et nous garde un cœur ferme dans toutes les fitanes. Amin. Et il ne faut donc pas tourner à gauche et à droite à chaque fois qu'il se passe un événement politique ou quelque chose dans la Ummah. Il faut rester ferme, peu importe la situation, et garder notre aqida et rester constant et rester en accord avec nos principes, sans changer par rapport aux événements. Donc on retourne à notre explication. Le cheikh dit: wa nifaqu huwa izhar al khayr kal iman wal islah wal salah wa ikhfa al shar wal kufr wal riya' fi al qalb. Donc le cheikh dit que l'hypocrisie, c'est quoi? C'est de montrer qu'on est bien, qu'on a la foi et qu'on est correct, et de cacher le mal et la mécréance et l'hypocrisie, ria, le fait qu'on fasse des actions dans le but de se faire voir. Hein. On cache ça dans notre cœur et on montre le contraire. Donc le cheikh il dit: wa huwa yanqasimu ila qismayn, nifaqun i'tiqadi wa nifaqun amali. Donc le nifaq, l'hypocrisie, se divise en deux catégories. Un nifaq qui est dans le cœur, dans les croyances, hein, nifaq ou ni'tiqadi. Et il y a une autre forme de nifaq qui est amali, c'est-à-dire un nifaq dans les actions. Et le cheikh il explique chacune de ces deux catégories-là en détail. Il dit: un nifaq ou ni'tiqadi, huwa izhar al-iman wa ibtan al-kufr. والمتصف بهذا هو الذي يكون في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que un nifaq qui est dans la croyance, ou l'infâme qui est dans le cœur, c'est de montrer qu'on a la foi et de camoufler ou de cacher notre mécréance. Donc celui qui a cette description-là, c'est lui qui sera dans les plus grandes profondeurs du feu de l'enfer, et que Allah nous en protège. La deuxième catégorie, le cheikh il dit: أما النفاق العملي فهو الاتصاف بصفة من صفات المنافقين فهذا يكون من بعض المؤمنين فالمتصف به مؤمن باطنا وظاهرا وهذا يسمى نفاقا أصغر ونفاقا عمليا. Le cheikh il dit: en ce qui concerne le nifaq dans les actions, donc c'est le fait d'avoir une caractéristique parmi les différentes caractéristiques des munafiqin, ou bien et le cheikh il dit que ça se produit de la part de certains parmi les mu'minin, hein. Ils ont la foi intérieurement et extérieurement, sauf qu'ils ont certaines caractéristiques, hein, et certaines actions qui sont des manifestations de certaines formes d'hypocrisie ou de nifaq, mais ça c'est une forme mineure de nifaq, c'est pas une forme majeure, et c'est une forme de nifaq qui est dans les actions. Et le cheikh il dit: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Donc le cheikh il dit que le signe d'un hypocrite est de trois. Il y a trois signes pour un hypocrite: lorsqu'il parle il ment, lorsqu'il promet il manque à sa promesse, et lorsqu'on lui donne un gage ou on lui demande de garder quelque chose pour nous, eh bien il manque à sa parole. Donc après le cheikh il dit: wa fi riwaya wa idha khasama fajar, hein, lorsqu'il a des disputes ou des arguments, des argumentations, non, lorsqu'il dispute ou qu'il argumente, eh bien il utilise des mauvais mots, il parle mal, hein, il fait preuve d'impolitesse et de vulgarité. Wa fi riwaya wa idha ahada ghadar. Et si il donne il prend un engagement et qu'il promet quelque chose, eh ben il trahit sa parole et son engagement. Le cheikh dit فهذه الصفات إذا صدرت من مؤمن فإنه يكون عنده نفاق عملي ينقص إيمانه. Celui qui a ces caractéristiques-là, si elles sont présentes en un croyant, alors ça veut dire qu'il a quelques formes d'hypocrisie dans ses actions qui font diminuer sa foi. وقد يجره والعياذ بالله إلى النفاق الاعتقادي. Et ça, ces choses-là peuvent également l'amener, que Allah nous en protège, à l'hypocrisie qui est majeure. ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وكان الصحابة يخافون خوفا شديدا من هذا النفاق لأن الواجب على المؤمن الصراحة في الحق لأنها إذا اجتمعت فيه دلت على تأصيل النفاق العملي في الموجب للنفاق الاعتقادي. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait très peur de cette forme d'hypocrisie pour ses sahaba, et les sahaba avaient également une grande peur du nifaq, et donc yani nous aussi en même temps, chaque musulman, on doit tous avoir une crainte de tomber dans un nifaq, de tomber dans l'hypocrisie. Personne ne doit se sentir en sécurité de tomber dans l'hypocrisie. Le cheikh dit parce que l'obligation pour le mu'min, c'est d'être clair et direct dans la vérité. Hein? Et lorsque sont réunies, par exemple, des formes de nifaq dans l'action, c'est très dangereux de les réunir en nous, ces caractéristiques de nifaq amali. Pourquoi? Parce que ça peut impliquer justement une forme de nifaq qui est dans la croyance. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا فلا يكون عنده ظاهر وباطن يخالفه ولا يتصف بصفات المنافقين بالكذب وإخلاء الوعد وخيانة الأمانة والغدر بالعهود. وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا من صفات النفاق أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة أو خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit que il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a quatre choses que si elles sont présentes en une personne, il sera un pur munafiq. Donc le cheikh il dit, فَلَا يَكُنْ عِدَّهُ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ يُخَالِفُهُ وَلَا يَتَّصِفُ بِصِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ. Donc c'est ça. Le cheikh il veut dire que, le mu'min, il doit avoir un intérieur et un extérieur qui sont en accord les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as dans tes actions et dans tes paroles doivent être en accord avec ce qui est dans ton cœur de la foi et de l'islam, pour pas que tu sois parmi les munafiqines et que tu possèdes ces caractéristiques-là. Tu dois éviter d'avoir cette contradiction-là entre ce qui est dans ton cœur et ce qui sort de toi dans tes paroles et dans tes actions. Hein? Sinon, tu vas avoir les caractéristiques de l'hypocrite, c'est-à-dire le mensonge, le manque à de la promesse, la trahison de notre confiance, de la confiance des gens, et également de trahir nos engagements. Et donc le cheikh il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en entier qui dit que si une personne possède ces quatre caractéristiques là, il sera un pur hypocrite. Hein? Et s'il en possède une d'entre elles, alors il a une parmi les caractéristiques de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la quitte. Si on lui donne quelque chose, on lui fait confiance pour garder quelque chose, il trahit. S'il parle, il ment. S'il prend un engagement, il manque à son engagement. Et s'il dispute avec quelqu'un ou il argumente avec quelqu'un, il est pervers, il dit des mauvaises paroles, etc. Donc c'est ça les caractéristiques. et que Allah nous en préserve. Cheikh il dit فالواجب على المسلم أن يحذر من النفاق وأن يجتنب صفات المنافقين ولا يقل أنا مؤمن على الإطلاق فالمؤمن قد يدخل عليه شيء من صفات المنافقين لنقص إيمانه ولكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ونحوها. Donc le cheikh il dit que il est obligatoire pour le musulman de faire attention au nifaq, hein, et d'éviter les caractéristiques des munafiqin, et il ne doit pas dire je suis un mu'min total, c'est-à-dire je suis un mu'min complet 100%, hein, et yani, parce que le mu'min, c'est possible que certaines caractéristiques de l'hypocrisie rentrent en lui à cause d'une faiblesse dans sa foi. Donc il doit dire je suis un croyant inshallah et des choses de ce genre, c'est-à-dire si Allah veut je suis un croyant, et non pas se purifier lui-même, hein. Il y a beaucoup de gens comme ça, ils disent moi j'ai le taqwa, moi je suis un muttaqi, j'ai la crainte d'Allah. Yani, ça c'est un mu'min, il ne parle pas de cette façon là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vous purifiez pas vous-même, hein? Il connaît mieux, Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux celui qui le craint réellement. Donc yani, il faut être modeste et il faut demander à Allah al-thabat, la fermeté. Le cheikh il dit par la suite وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي بأفواههم قال تعالى وما هم بمؤمنين يعني في قلوبهم إنما أظهر الإيمان وأخفوا ضده وهو الكفر ومن لم يؤمن بقلبه فليس بمؤمن. Donc le cheikh il dit que parmi le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi les hommes, il y en a qui disent, nous croyons à Allah et au jour dernier, c'est-à-dire avec leur bouche, ils disent ça avec leur bouche. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, c'est-à-dire ils ne sont pas réellement des croyants dans leur cœur. Ils ont montré qu'ils ont la foi extérieurement, mais à l'intérieur ils ont caché le contraire, c'est-à-dire al-kufr. Et celui qui ne croit pas avec son cœur, il n'est pas croyant, hein, parce que la base de la foi, c'est dans le cœur. Donc celui qui n'a pas la foi dans le cœur, il n'est pas mu'min, même s'il montre des signes de l'islam, d'accord. Et ça répond en même temps à ceux qui disent al-iman fil qalb, hein, parmi certains des musulmans qui ne pratiquent pas l'islam, qui font rien, ils font pas la salat, ils font pas le hijab, ils font pas rien de des ordres d'Allah, et puis après ils disent al-iman fil qalb, hein. Et donc c'est quoi la différence entre eux et al-munafiq? Après le cheikh il dit mata waqa an-nifaq fi l'islam, quand est-ce que le nifaq est apparu dans l'islam? Le cheikh il dit yaqulu al-ulama inna an-nifaq al-aqdi lam yaqa fi makkah li'anna al-muslimina kanu mustad'afin fi makkah fala yuslimu fi makkah illa sadiq al-iman لأنه بإسلامه معرض للفتن والاضطهاد فليس ثم حاجة إلى أن ينافق. وكذلك في أول الهجرة لما حصل نفاق, ولكن لما جاءت واقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة انتصر المسلمون فيها وقويت شوكتهم ورأى الكفار الذين يعيشون في المدينة أن استمرارهم على كفرهم يعرضهم للخطر فلم يسعهم إلا أن يقبلوا الإسلام ظاهرا لأجل أن يعيشوا مع الناس وتحقن دماؤهم وما آمنوا بقلوبهم ولكن أظهروا الإيمان حيلة وحفظا لمصالحهم. نعم. Donc le cheikh il dit que quand est-ce la question, il pose la question, quand est apparu le nifaq dans l'islam? Le cheikh dit, les ulama ont dit que le nifaq dans la croyance n'est pas arrivé à Mecca, parce que les musulmans étaient faibles à Mecca. Hein? Donc à Mecca, c'est uniquement les gens sincères dans la foi qui se sont convertis. Parce que Yani, la personne qui se convertissait à cette époque-là, elle était menacée de toutes sortes de difficultés et toutes sortes d'épreuves et toutes sortes de tests dans son islam. Alors, il n'y avait aucune raison pour quelqu'un d'être munafiq et de cacher sa foi, parce que tous les musulmans avaient toutes sortes de difficultés, d'épreuves, de tortures, d'humiliations. Et les musulmans étaient donc peu nombreux. Il n'y avait aucune raison pour quelqu'un de cacher sa foi, c'est-à-dire de montrer qu'il était mu'min alors qu'il cachait sa mécréance. Et de même qu'au début du hijra, il n'y avait pas nécessairement de nifaq à cette période-là. Hein, mais quand la bataille de Badr est arrivée dans la deuxième année après le Hijra, et que les musulmans ont eu la victoire et qu'ils sont devenus plus forts, les koufars qui vivaient à Médine ont vu que s'ils restaient sur leur koufr, ils étaient en danger. Alors ils ont vu qu'ils n'avaient pas le choix excepté de montrer qu'ils acceptaient l'islam extérieurement, dans le but de vivre avec les gens, pour que leur sang soit protégé, hein. Et dans leur cœur, ils n'ont pas cru, c'est-à-dire ils ont gardé leur mécréance dans leur cœur, et ils ont uniquement montré qu'ils avaient de la foi dans le but de tromper les gens et dans le but de protéger leurs intérêts. Et le cheikh il dit قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا الخداع والمخادعة أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن وقصد المنافقين من مسلكهم هذا المخادعة ولهذا قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم والله جل وعلا لا يخدع. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit يخادعون الله والذين آمنوا. Il dit الخداع c'est quoi? C'est d'essayer de tromper, de faire des ruses, hein. والمخادعة c'est-à-dire tu montres l'être humain qui montre une chose à l'extérieur qui est contraire à ce qu'il a à l'intérieur. Et l'intérêt ou le but du munafiq, de l'hypocrite dans cette attitude-là, c'est de tromper les gens, hein, de tromper les croyants. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les hypocrites, ils essaient de tromper Allah, mais ils se trompent eux. Mais Allah, c'est Allah qui les trompe, hein. Wa huwa khadi'uhum. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui les trompe. Et le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le tromper. Après il dit wa qawluhu wallazina amanu, c'est-à-dire ils essaient de tromper Allah subhanahu wa ta'ala et de tromper ceux qui ont cru. Wa qawluhu wa ma yakhda'una illa anfusahum, ay amaluhum hadha innama dararuhu 'ala anfusihim, li'anna al-wajib 'ala al-insan an yansaha li nafsihi wa an ينقذها من عذاب الله ولكن المنافقين خدعوا أنفسهم حيث عرضوها لغضب الله سبحانه وتعالى. Le cheikh il dit que ils ne trompent qu'eux-mêmes, ça c'est dans le verset, hein, ils ne trompent qu'eux-mêmes, c'est-à-dire que leur action, le fait qu'ils agissent de cette façon-là pour essayer de tromper Allah et les mu'minines, c'est uniquement un tort qu'ils font à eux-mêmes. Car l'obligation pour l'être humain, c'est d'être sincère envers lui-même, hein, et dans le but de, yani, il doit sauver son âme contre le châtiment d'Allah, ou sauver son âme du châtiment qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, les hypocrites, ils se sont trompés eux-mêmes du fait qu'ils se sont mis sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont mis leur personne, hein, comme sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils se sont fait du tort à eux-mêmes en faisant ça. Et le cheikh dit wa qawluhu wa ma yash'urun ay wa ma yadrun an 'amalahum hadha sayantakisu 'alayhim, c'est-à-dire wa ma yash'urun, c'est-à-dire ils ne s'en rendent pas compte, ils ne s'en aperçoivent pas, hein. Le cheikh dit que ça signifie qu'ils ne se rendent pas compte que leur action qu'ils ont fait ou le fait qu'ils essaient de tromper Allah et les mu'minin, ça va retomber contre eux. Hein, ça va retomber contre eux. Après, le cheikh dit, وقوله تعالى في قلوبهم مرض هذا هو سبب النفاق المرض الذي في قلوبهم والقلب يمرض ومرضه أشد من مرض الجسم وذكر العلماء أن مرض القلب نوعان مرض الشهوة مرض شهوة ومرض شبهة. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit il y a une maladie dans leur cœur. Dans leur cœur, il y a une maladie. Et il dit que ça, c'est la cause de leur hypocrisie, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont une maladie dans le cœur. Et le cheikh, il dit que le cœur peut devenir malade. Et la maladie du cœur, elle est plus dure et plus grave que la maladie du corps. Et les ulama ont mentionné que la maladie du cœur, elle est de deux catégories. La maladie du cœur, par rapport au shahwa, au shahwat, et la maladie du cœur par rapport au shubuhat. Hein? Donc, shahwat, c'est les désirs et les tentations, et shubuhat, c'est les doutes, et on va l'expliquer en fait. Le cheikh dit, marad shubha, yakunu bi shukuki wal kufri wal nifaq, وسوء الظن بالله عز وجل وسوء الظن بالمسلمين. Donc la maladie de la shubha, hein, c'est yani les doutes, la mécréance, l'hypocrisie, de penser mal à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah, hein, d'être pessimiste à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être pessimiste à propos des mu'minin et des musulmans yani. Wa marad ash-shahwa أن يحب الشهوات المحرمة مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر والغيبة والنميمة ونحو ذلك كما قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أي مرض الشهوة والعياذ بالله. Donc la deuxième forme de maladie du cœur, c'est la maladie des désirs, c'est-à-dire que la personne aime toute forme de tentation et de passion et de désir interdits, comme par exemple la fornication, l'adultère, le vol, boire l'alcool, al-ghayba, parler au dos des gens, wan-namima, de répandre toutes sortes de fausses rumeurs, wanahwi dhalik, des choses de ce genre. Et le cheikh il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne soyez pas trop complaisante dans votre discours pour que celui qui a une maladie dans leur cœur est des désirs ou des mauvaises pensées, etc. Donc ça c'est dans Sourate Al-Ahzab à propos des femmes, que lorsqu'elles s'adressent à un homme, elle ne doit pas être trop complaisante, c'est-à-dire elle ne doit pas mettre sa voix trop douce comme une femme lorsqu'elle s'adresse à son mari, elle prend un ton de voix très doux, etc. La femme ne doit pas essayer de parler de cette façon-là à des hommes étrangers. Si la femme parle de cette façon-là à un étranger, elle risque de créer la fitna dans le cœur de cet homme. Et celui qui est en particulier a des maladies dans son cœur, donc c'est dangereux. Et cette maladie-là, dans le cœur, ici c'est la maladie de la shahwa, c'est-à-dire des désirs et des passions, que Allah nous en protège. Donc le cheikh il dit ensuite, « وَمَرَضُ الشَّهْوَا أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الشُّبْهَا » أشد من مرض الشهوة لأن مرض الشبهة لا يتوب صاحبه في الغالب بخلاف مرض الشهوة فقد يتوب صاحبه ويصلح عمله. Le cheikh il dit que la maladie de la shubha, des doutes qui sont dans le cœur et de la mécréance et de l'hypocrisie, et ça peut être également des bid'ah, hein, cette maladie là elle est plus dangereuse que l'autre maladie qui est la maladie des shahawat. Parce que la maladie des désirs et des choses interdites, quelqu'un peut s'en repentir. Hein? La personne qui a cette shahwa, il sait que c'est haram. Tandis que la shubha, c'est très difficile de s'en sortir et de s'en repentir. Comme les bédas, comme les exemples de nifaq, comme les exemples de doute. C'est des choses qui restent dans le cœur. C'est pour ça que les imams, Ahl-Sunnah et Wal-Jama'a, ils ont toujours averti les gens contre les bid'ah, yani, plus que par rapport au péché. Hein? Comme les ulama, ils ont expliqué que si quelqu'un fait une bid'ah, yani, il ne se repent pas de cette bid'ah. Tandis que s'il fait un péché, il peut se repentir. Et la raison pourquoi il ne veut pas se repentir, celui qui fait des bid'ah et qui a des shubuhat, c'est parce que il croit que ce qu'il fait est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il croit qu'en le faisant, ou qu'en ayant ses idées ou ses croyances-là, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment pensez-vous que quelqu'un va se repentir de quelque chose alors qu'il croit que ça le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est impossible. Hein? Donc, en général, c'est sûr qu'il y a des exceptions, mais en général, c'est très rare que Mubtadi' se repente. C'est très rare que Munafiq revienne à l'Iman. Mais ça peut arriver. Le Cheikh dit وفقوله في قلوبهم مرض أي مرض الشبهة ومرض الشهوة كلا المرضين فيها. Donc le Cheikh il dit que dans leur cœur ils ont une maladie, c'est-à-dire ils ont les deux, la maladie dans leur cœur qui est des shubuhat et des shahawat. Après il dit وقوله فزادهم الله مرضا عقوبة لهم, comme châtiment du fait qu'ils ont de l'hypocrisie, Allah subhanahu wa ta'ala les a punis en leur augmentant leur maladie. حيث أنهم كفروا بآيات الله سبحانه, parce qu'ils ont mis cru au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقلوبهم فيها مرض وقلوب فيها المرض من قبل فلما كفرت بآيات الله زاد مرضها. Donc leur cœur, ils avaient déjà de maladies auparavant. Mais lorsqu'ils ont mécru au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala et au verset d'Allah, eh bien Allah a augmenté leur maladie. Comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit كَمَا قَالَ تَعَالَى وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم لأنهم أصبحوا يستهزئون بها ويسخرون منها ولا يؤمنون بها فزاد مرضهم والعياذ بالله على مرض سابق فتضاعف عليهم المرض. Donc le Cheikh il dit, c'est comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate At-Tawbah, et lorsqu'on leur révèle une sourate, il y en a parmi eux qui disent « Lequel d'entre vous a eu sa foi augmentée à cause de cette sourate ?» Lequel d'entre vous, c'est les gens qui posent la question, « Lequel d'entre vous sent sa foi augmentée à cause de cette sourate ?» Donc Allah il dit ensuite « En ce qui concerne les mu'minines, elle leur augmente leur foi. » Cette sourate augmente leur foi et ils se réjouissent, ils s'en réjouissent. En ce qui concerne ceux qui ont une maladie dans leur cœur, eh bien, la sourate leur augmente leur impureté à leur maladie. On leur augmente l'impureté à leur impureté. C'est-à-dire, ils sont encore plus égarés. Parce que, étant donné qu'ils n'avaient pas la foi en partant, ou bien qu'ils avaient une maladie dans le cœur, eh bien là, quand on leur révèle une ayah ou une sourate, là ils commencent à se moquer. Hein? Ils s'en moquent. Et ils essaient de s'en railler et de la ridiculiser. Donc, déjà ils ne croyaient pas. Et Allah a augmenté leur foi. Et Allah a augmenté leur maladie. Wal'iyadu billah, que Allah nous protège. Et donc, il a augmenté leur maladie à une maladie précédente. Et donc, la maladie est devenue double pour eux. وقوله ولهم عذاب أليم هذه عقوبة ثانية عذاب الآخرة وعذاب في الدنيا. Donc le Cheikh il dit que il mentionne la parole d'Allah à la suite qui dit et ils auront un dur châtiment. C'est un châtiment, un deuxième châtiment. C'est-à-dire ils auront un châtiment dans l'Akhira et un châtiment dans la dunya. وأليم بمعنى مؤلم موجع. وبين سبب هذا العذاب بقوله بما كانوا يكذبون في إيمانهم. كيف يكذبون؟ لأنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وهذا كذب، بل هذا أعظم الكذب. وفي قراءة بما كانوا يكذبون، أي يكذبون بآيات الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que Allah a décrit ce châtiment là comme étant alim. Et alim, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie mu'lim, hein, douloureux, quelque chose qui est douloureux. وبين سبب هذا العذاب. La cause, il a expliqué la cause de ce châtiment douloureux là, c'est que ils mentent, hein, à cause de leur mensonge. C'est-à-dire ils mentent dans leur foi. Comment ils mentent? Ils montrent qu'ils ont la foi et ils cachent leur mécréance. Ça, c'est un mensonge. Et le cheikh dit que c'est le plus grand des mensonges. Et dans une autre lecture de ce verset, c'est bima kanu yukadhibun, hein? C'est-à-dire parce qu'ils traitent de mensonges les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min sifatihim وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي إذا نهوا عن النفاق، لأن النفاق والكفر والمعاصي إفساد في الأرض، لأنها تسبب النكبات والعقوبات وتسبب حزب الأمطار وغور المياه ويبس الأشجار وانقطاع الثمار وتسبب اختلال الأمن وانقطاع السبل، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Le cheikh il dit, et lorsqu'on leur dit ne faites pas le désordre sur la terre, ne semez pas le désordre sur la terre, et lorsqu'on leur interdit de faire de l'hypocrisie, hein, on leur interdit le nifaq, car le nifaq, le kufr et les péchés, c'est une forme de désordre, de corruption sur la terre. Parce que c'est la cause de toutes sortes de châtiments et de calomnies, hein, sur la terre. Et ça cause, en fait, ça cause également le fait que Allah subhanahu wa ta'ala retienne la pluie. Et que la terre s'assèche. Et que les arbres cessent de produire des fruits. Et ça cause également le fait que la sécurité des hommes est dérangée, c'est-à-dire on n'est plus en sécurité et les routes sont plus en paix. On n'a plus de sécurité sur la terre à cause de nos péchés. Et il mentionne le verset dans Sourate Ar-Rum, le verset 41, qui dit le désordre et la corruption sont apparus sur la terre et dans la mer à cause de ce que les mains des hommes ont acquis. Donc, le cheikh il continue, il dit فالكفر والمعاصي والنفاق إفساد في الأرض والطاعة والإيمان والعمل الصالح إصلاح في الأرض ولهذا قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Donc, le cheikh dit que la mécréance, la désobéissance et l'hypocrisie sont des formes de corruption sur la terre, tandis que l'obéissance, la foi et les bonnes œuvres sont des formes, des catégories de réforme, hein, c'est quelque chose qui réforme la terre. Et le cheikh il mentionne le verset qui dit il ne semez pas le désordre sur la terre après qu'elle ait été réformée ou yani, qu'elle a été corrigée, etc. Donc le cheikh il explique et il dit أصلحها الله بالوحي والنبوة والإيمان فالذي يعصي الله ويكفر به مفسد في الأرض. Allah subhanahu wa ta'ala a réformé la terre par la révélation, la prophétie, la foi. Donc celui qui désobéit et qui fait la mécréance sur la terre, eh bien c'est lui qui sème le désordre sur la terre et qui fait la corruption. Ensuite il dit فمعنى قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض اتركوا ما يكون سبب لفسادها وهو النفاق وآمنوا بالله ظاهرا وباطنا كما آمن الناس أي الصحابة رضي الله عنهم. Et la signification du verset, ça signifie, et lorsqu'on leur dit, yani, ne faites pas le désordre sur la terre, ça veut dire, laissez tomber et abandonnez ce qui est la cause du désordre sur la terre, c'est-à-dire le nifaq, l'hypocrisie. Et croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, intérieurement et extérieurement, comme les autres ont cru, c'est-à-dire comme les autres gens ont cru, c'est-à-dire les sahaba, radiallahu anhum. Wa qawluhu, قالوا إنما نحن مصلحون هذا من انتكاس الفطر يعدون النفاق والكفر إصلاحا في الأرض. Donc le cheikh il mentionne le verset à la suite qui dit, et ils disent nous sommes seulement des réformateurs. Quand on leur dit cessez de faire le désordre sur la terre, ils disent nous sommes uniquement des réformateurs, on veut seulement réformer. Et le cheikh il dit que ça c'est une corruption de leur nature, qu'ils considèrent l'hypocrisie, la mécréance comme étant une réforme sur la terre. فيقولون إنما نحن بعملنا هذا الذي هو النفاق والكفر مصلحون من أجل أن نعيش في هذه الدنيا ويندفع عنا القتل وهذا بزعمهم إصلاح. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, par nos actions qu'on fait, c'est-à-dire la mécréance et l'hypocrisie, on est réformateurs dans le but qu'on puisse vivre sur la terre et qu'on puisse éloigner de nous la mort, etc. Donc, c'est-à-dire le fait qu'on prétend être mu'minine et qu'on ait la mécréance dans notre cœur, et bien ça, c'est dans le but de... de vivre en paix avec les autres et puis de ne pas se faire tuer et aller pour ça. Et ils pensent que ça c'est une forme de correction ou de réforme de la terre. Après le cheikh il dit فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ عَكَسَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ وَحَصَرَ الْإِفْسَادَ فِيهِمْ فَهُمْ وحدهم المفسدون بنفاقهم وكفرهم ولكن لا يشعرون لا يدرون أن هذا إفساد بل يعتقدونه إصلاحا. Donc le cheikh il dit Allah les a réfutés et il a dit certes ce sont eux les corrupteurs, ce sont eux qui font le désordre, donc Allah subhanahu wa ta'ala a renversé leurs prétentions contre eux et il a limité la corruption et le désordre en eux en disant ce sont eux seulement qui font le désordre. En réalité, ce sont eux qui font le désordre et qui sèment le désordre à cause de leur hypocrisie et de leur mécréance, mais ils ne s'en aperçoivent pas, ils ne s'en rendent pas compte. وَلَا يَدْرُونَ أَنَّ هَذَا إِفْسَادٌ بَلْ يَعْتَقِدُونَهُ إِصْلَاحًا. Ils ne se rendent pas compte qu'ils font le désordre. Ils croient que ce qu'ils font, c'est de إِصْلَاح, qu'ils font de la réforme, quelque chose de bien. Ils croient qu'ils arrangent les choses sur la terre. Et le cheikh dit وَالْيَوْمْ أَصْحَابُ الشَّهَوَاتِ وَأَصْحَابُ الْمَطَاعِمِ الْخَبِيثَةِ يريدون أن يحولوا المسلمين إلى المذاهب الباطلة وإلى تعطيل الشريعة وإلى الجرائم وفساد الأخلاق ويقولون هذا إصلاح ويسمون الإيمان والتمسك بالدين جفاء وتحجرا ورجعية وتأخرا إلى آخر ما يقولون. Donc le cheikh il dit que aujourd'hui il y a des gens qui suivent leurs désirs et leurs passions. Des gens qui suivent toutes sortes d'intérêts mauvaises. Ils veulent convertir les musulmans à toutes sortes de croyances et toutes sortes de voies différentes qui sont fausses. Ils veulent les amener à rejeter la charia, à rejeter les règles de la charia. Et ils veulent les appeler à toutes sortes de crimes et de corruption dans le comportement. Et ils disent que ça c'est de la réforme. Et ils appellent ça de la foi et de s'accrocher à la religion. Et ils appellent la foi et le fait de s'accrocher à la religion, d'être dur, d'être borné, d'être retardé, et d'essayer de reculer en arrière, comme ils disent, yani, comme on dit en français, ils disent qu'on est rétrograde, hein, qu'on veut retourner en arrière, etc., des choses de ce genre. Après, le cheikh, il dit, وَمَا أَشْبَهُ اللَّيْلَةَ بِالْبَارِحَةِ يُرِيدُونَ أَن يُحَاوِلُوا الْحُكْمَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَى الْحُكْمِ بِالْقَانُونِ وَيَقُولُونَ هَذَا إِصْلَاحِ وَيُرِيدُونَ أَن يَخْلَعُوا الْحِجَابَ عَنِ النِّسَاءِ ويتركوهن سافرات في الشوارع ويتولين أعمال الرجال ويسافرن إلى أي محل ويقولون هذا إصلاح هذا رقي وتقدم وتحضر وهذا عمل الأمم الراقية أما أن تعارضوا هذا الأمر فهذا هو الإفساد بزعمهم. Donc le cheikh il dit, c'est incroyable comment les choses se ressemblent, les choses se ressemblent, hein, en voulant dire, il utilise une expression, ma ashbahu al-laylata bil bariha, en voulant dire que l'histoire se répète toujours. Comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là prétendaient être des réformateurs, on a encore aujourd'hui ces genres de catégories-là parmi les musulmans qui veulent aussi être des réformateurs et qui disent, on veut changer la sharia et le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala par le jugement des hommes, yani par les lois faites par les hommes. Et ils disent que ça c'est une forme de réforme. Ils disent que c'est une réforme. Ils disent que c'est une sorte de, yani, de faire avancer un peu l'islam et de réformer l'islam, hein, comme certains soi-disant penseurs islamiques aujourd'hui là. Et ils veulent que les femmes retirent leur hijab, hein, de les laisser marcher dans les rues sans se couvrir. Et ils veulent qu'elles fassent les mêmes emplois et les mêmes travaux que les hommes. Et qu'elles puissent voyager d'un endroit à l'autre, hein, sans mahram et des choses de ce genre, comme un homme. Hein. Et il y en a des islamistes aujourd'hui, des islamistes, hein, qui se prétendent des douates et qui appellent les femmes à ça. Que l'homme devienne l'égal à la femme et que la femme devienne l'égal à l'homme et qu'elles enlèvent le hijab. Ou si elles portent un hijab, si tu regardes la description de ce hijab, tu dis subhanallah, c'est quoi la différence entre ça et qu'est-ce que les femmes kuffar mettent lorsqu'elles marchent à moitié nues dans la rue, subhanallah. Tu vois une femme en jeans avec un petit jacket ou quelque chose et puis après elle met un foulard sur ses cheveux et elle croit que le hijab c'est de cacher ses cheveux seulement. Même si elle va dehors avec des vêtements qui sont qui décrivent correctement ou qui décrivent précisément les formes de son corps ou des choses de ce genre, elle croit que ça c'est hijab. Hein? Donc ces gens-là, ils disent, ces islamistes ou ces penseurs islamiques, ils disent que oui, ça c'est le hijab, ça c'est correct. Il faut pas être trop dur, hein? Il faut pas trop être strict. Il faut être lousse. Il faut laisser passer les choses. Donc c'est comme ça qu'ils sont. Ils essaient de juger tout par leur tête et ils veulent. En réalité, ils appellent les gens à la corruption puis ne s'en aperçoivent même pas. Donc ils veulent que les femmes fassent les mêmes travaux. Vous les voyez qui disent, mais la Oumma, on a besoin des femmes médecins, on a besoin des femmes gynécologues pour accoucher nos enfants, on a besoin des femmes ingénieurs, des femmes, astronautes. Yani subhanallah. Donc ils appliquent ce jugement-là comme si chaque femme musulmane dans la Oumma doit devenir des médecins et des astronautes. Et c'est comme s'ils poussent tous les musulmans à devenir des ingénieurs et des médecins. Subhanallah. Alors que la plupart d'entre ces gens-là, tu les vois, dans la ilm et dans le din, ils ne font même pas d'efforts pour connaître les bases de l'islam. Allah al-Musta'an. C'est des gens qui appellent les femmes à la fitna et qui appellent les hommes également à la fitna. Et ils les poussent à se mélanger aux hommes et à voyager sans partenaire. Et ça, c'est une réponse à ceux qui pensent que les ulama ne dénoncent pas toutes les gens de bid'a ou qui dénoncent pas les activités de ces soi-disant laïcs qui appellent à la laïcité parmi les musulmans. On voit ici un exemple clair que le cheikh Al-Fawzan, il nous avertit contre ces gens-là. Après, il dit que ça, c'est de faire ça, c'est de faire une réforme. Il dit que ça, c'est ces gens-là, ils disent que ça, c'est l'évolution, hein, c'est la modernité. c'est le fait d'être civilisé, et que ça c'est l'action de tous les peuples civilisés sur la terre. Et ceux qui refusent ou qui s'opposent à leur position, hein, pour eux, ils disent que ce sont eux qui font le désordre, hein, selon ces gens-là. هذا هو نفس الذي ذكره الله عن المنافقين في هذه السورة. C'est exactement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait dit dans cette sourate au sujet des munafiqin. في قوله كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله أن إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Donc, c'est dans Surat An-Nisa, le verset 62. Hein, et lorsqu'il y a une fitna ou une musiba qui les atteint, une épreuve ou quelque chose de difficile, à cause de ce que leurs mères ont acquis ou ont préparé pour eux, hein, ils viennent vers toi en jurant par Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ne voulaient uniquement que le bien, hein, et le succès. Hein, ils disent, on voulait seulement faire le bien, on voulait seulement faire quelque chose de bien, on n'a pas voulu faire le mal. Et ils jurent par Allah. Wallahi. Hein, ça c'est l'attitude des munafiqin. Et le cheikh il dit, وهؤلاء الذين يقولون هذه المقالات الآن هم المنافقون لأنهم يظهرون الإيمان ويخفون في قلوبهم محاربة الله. محاربة الله. نعم. ويظهرون الإيمان ويخفون في قلوبهم محاربة الله نسأل الله العافية. Donc ça c'est ceux qui disent ça, ce genre de paroles là aujourd'hui, ce sont les munafiqun. Ils montrent la foi et ils cachent dans leur cœur la guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils détestent Allah et qu'ils détestent la religion d'Allah. Que Allah nous en protège. وقوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي آمنوا بالله ورسوله كإيمان الصحابة رضي الله عنهم سماهم الله الناس لأنهم هم الناس في الحقيقة. Donc le chef il dit et lorsque on leur dit croyez comme les gens ont cru, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc dans ce verset là croyez en Allah et croyez en son messager comme les sahaba ont cru. Allah les a appelés des hommes, c'est-à-dire nas, des gens, parce qu'en réalité ce sont eux qui sont réellement des hommes. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يسمون الصحابة السفهاء لماذا؟ لأنهم آمنوا والتزموا بدين الله ويصلون ويصومون ويحجون ويحجبون نساءهم ويتحجبون ويجتنبون الحرام والربا والغش في المعاملات ويتجنبون الاحتيال والمكر والخديعة والمنافقون يقولون هؤلاء سفهاء. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit est-ce qu'on va les munafiqin ont dit est-ce que on va croire comme ces faibles d'esprit là ont cru. Et donc le cheikh il dit qu'ils appellent les sahaba des sufaha, des faibles d'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru et ils se sont soumis à la religion d'Allah. Ils prient, ils jeûnent, ils voilent leurs femmes, ils s'éloignent du haram et du riba, des mensonges dans les transactions qu'on fait entre nous. Ils s'éloignent de toute forme de mensonges, de tromperies, de trahison, de complots, des choses de ce genre. Donc, les munafiqoun ils disent ceux-là sont des soufaha, sont des faibles d'esprit. Et le cheikh il dit والسوفaha جمعو سفيه والسفيه هو ناقص العقل خفيف العقل أصله من السفاهة وهي خفة العقل فهم يصفون الصحابة بخفة العقل لأنهم ليس عندهم مكر وخديعة ونفاق وتملق واحتيال على أوامر الله تعالى ونواهيه فهؤلاء السفهاء عندهم. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce que ça veut dire soufaha? Soufaha c'est le pluriel de safi. Et safi c'est qui? C'est celui qui est faible dans sa raison, qui a une petite tête, il est léger dans sa tête, il ne réfléchit pas. Et la base de as-safaha, ça vient de as-safaha. Et ça veut dire que quelqu'un qui a pas, qui est pas, qui est pas vif, qui a pas de raison, qui est défaillant dans sa raison. Donc ils appellent les Sahaba de cette façon, et ils prétendent que les Sahaba ont pas de raison. Pourquoi? Parce que ils ne trompent pas les gens, hein, ils ne font pas de trahison, d'hypocrisie, de moquerie contre les ordres d'Allah et contre ses interdictions. Donc ceux-là, pour eux, sont les faibles d'esprit. Et tu vois que aujourd'hui, même encore aujourd'hui, subhanallah, les koufars, ils pensent que les croyants sont des faibles d'esprit. Et tu leur vois dans leur attitude. Hein, ils disent, oh regarde lui, il est tout niya, il est tout innocent. Ils croient que les mu'minines sont des gens bêtes, stupides. Ils pensent qu'ils peuvent se moquer des mu'minines. Hein. Et ils croient que les mu'minines, les croyants, sont des faibles d'esprit parce qu'ils ont un bon comportement, parce qu'ils ne font pas de tromperie, parce qu'ils n'ont pas de nifaq, ils sont sincères. Hein. Donc ils s'imaginent que parce qu'on est sincère, c'est parce qu'on est faible d'esprit. Parce que si, pour eux, être intelligent, c'est quoi? C'est faire toutes sortes de blagues, hein, de parler comme avec toutes sortes d'ironisme, hein, et de comme ils appellent ils disent il faut faire des, quand ils blaguent, ils disent des phrases à deux sens, ils se moquent des gens indirectement, ils font toutes sortes de sous-entendus dans leurs paroles, hein, ils se moquent, ils mentent, ils trompent, font des hypocrisies, et ils pensent que d'agir comme ça, c'est d'être intelligent. Et d'être sincère pour eux, et d'être franc et direct, et s'éloigner du mal, ça pour eux, c'est d'être faible d'esprit. Donc on voit que ça ne change pas d'une époque à l'autre. La nature de ces gens-là, c'est la même à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et aujourd'hui, c'est la même nature que Allah nous a décrit dans le Coran à leur sujet. وقوله الا انهم هم الا انهم هم السفهاء الله سبحانه وتعالى ils ont répondu en disant voilà certes ce sont eux les faibles d'esprit hein حصر السفاهة فيهم هم لانهم الذين صروا ضروا انفسهم والسفيه هو الذي يضر نفسه فهؤلاء هم ضروا انفسهم بالنفاق والخديعة والمكر فاي الفريقين سفيه الذين آمنوا بالله ورسوله وصلحوا وأصلحوا أم الذين نافقوا ولم يؤمنوا ولا شك أن الذي لا يؤمن هو السفيه فالمنافقون هم السفهاء. نعم. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit certes ce sont eux les faibles d'esprit, et Allah il a retourné la description contre eux en disant ce sont eux uniquement les faibles d'esprit, hein, parce qu'ils se sont fait du mal à eux-mêmes. Sont tellement, en réalité c'est de la stupidité qu'est-ce qu'ils ont fait, parce qu'ils se mettent sous le châtiment d'Allah et sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala en agissant ainsi. Donc ils se font du mal à eux-mêmes. Et donc as-safi, le faible d'esprit, c'est qui? Celui qui se fait du mal à lui-même. Donc ces gens-là, ils se sont fait du mal à eux-mêmes à cause de leur hypocrisie, de leur tromperie et de leur macri, yani, comment ils font des ruses. Ça retourne contre eux. Fa'iyul fariqayni, hein, sa fille. Lequel des deux groupes est faible d'esprit? Ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui se sont réformés eux-mêmes et qui ont réformé les gens autour d'eux, ou bien ceux qui ont eu de l'hypocrisie et qui n'ont pas cru, hein? لا شك أن الذين لم يؤمنوا الذي لم يؤمن هو السفيه. Il n'y a pas de doute que celui qui a mécru, c'est lui qui est faible d'esprit, et que les hypocrites, ce sont eux les faibles d'esprit. نعم. Après, le شيخ dit وقوله ولكن لا يعلمون لأن الله تعالى طمس على قلوبهم فلا يميزون بين الحق والباطل والسفاهة والرشد ويعتقدون الرشد سفاهة والسفاهة رشدا لأن عقولهم مرضت وقلوبهم فسدت فلا تميز بين الحق والباطل هذه هي بعض صفاتهم. Donc le cheikh il dit que Il dit, ce sont eux les soufaha, ce sont eux les faibles d'esprit, mais par contre, ils ne le savent pas. Et le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a couvert leur cœur. Alors, ils sont plus capables de distinguer entre la vérité et le mensonge. Ils mélangent, en fait. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'étant donné qu'ils ne voient plus la distinction entre la vérité et le mensonge, ils ne peuvent plus distinguer entre être faible d'esprit et être droit. Donc, ils croient que celui qui est bien orienté, c'est lui qui est faible d'esprit, et ils croient que ils mélangent les deux, c'est ça. Pour eux, être bien guidé, c'est de mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala, et d'être égaré, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ont mis les choses à l'envers, en fait. C'est eux les soufaha, mais ils s'en aperçoivent pas. Parce que leur raison est malade et leur cœur est corrompu. Ils ne peuvent plus distinguer entre la vérité et l'égarement, le faux. Et ça, c'est certaines parmi leurs caractéristiques, la caractéristique des hypocrites, subhanallah. Et on trouve ça aujourd'hui encore tellement de manifestations de ça. Le cheikh dit, وقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. Lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils disent nous croyons. Et lorsqu'ils se retrouvent seuls avec leur diable, leur shayatin, ils disent nous sommes avec vous. ثم ذكر تعالى من صفات المنافقين استعمال الوجهين فيأتون المؤمنين بوجه ويأتون الكفار بوجه. Donc, ils utilisent, parmi leurs caractéristiques qu'Allah a mentionné, c'est qu'ils utilisent les deux visages. Ils viennent aux mu'minin avec un visage et ils vont voir les kuffars avec un autre visage. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Lorsqu'ils voient les croyants, ils disent on croit. أَظْهَرُوا أي أَظْهَرُوا الْإِيمَانِ صَلُّوا وَصَامُوا وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الَّتِي أَمَرَ بِهَا الْإِسْلَامِ. Donc ils montrent les signes de la foi, c'est-à-dire ils prient, ils jeûnent, ils font les actions que l'islam ordonne, et ils font ça en apparence dans le but de tromper les croyants. Et lorsqu'ils sont seuls avec leur shayatin, khalaw ila maradati al-kuffar. والشيطان يوصف به الجن ويوصف به الإنس وشياطين الإنس أشد ضررا فالمراد بشياطينهم مردة الكفار من المشركين واليهود والنصارى إذا خلوا إليهم لم يكن معهم أحد من أهل الإيمان صرحوا بالحقيقة قالوا إن معكم. Donc le cheikh dit que lorsqu'ils sont seuls avec leurs shayatin, ça veut dire lorsqu'ils sont seuls avec les kuffar. Parce que on peut décrire un être humain ou un djinn comme étant un shaitan, c'est pas uniquement un djinn. Et le cheikh il dit que les shayatins parmi les humains sont plus dangereux que les shayatins parmi les djinns. Donc la signification dans ce verset là, lorsque Allah dit bi shayatinihim, ça signifie lorsqu'ils sont seuls avec les mushrikines et les kuffars, les juifs et les chrétiens, ils disent, et quand il n'y a personne parmi les croyants avec eux, ils disent la réalité qu'ils sont avec eux. Ils disent nous sommes avec vous. Et ma farqnakum inna ala aqidatikum walakin khada'na haula wa azharna lahum al-iman istihza'an. C'est-à-dire on ne s'est pas séparés de vous. Nous sommes sur votre croyance. On veut seulement tromper ceux-là et on veut leur montrer que on croit en eux dans le but de se moquer d'eux. إنما نحن مستهزئون مستهزئون بإظهار إيماننا أمامهم ونسخر بهم ونستهزئ بهم ونخدعهم وهم يصدقوننا. Donc on veut uniquement se moquer d'eux, dans le sens que on leur montre qu'on est croyant devant eux et on se moque d'eux et on se moque, on les trompe, et eux ils croient que on dit la vérité, c'est-à-dire il croit qu'on est vraiment croyant. قوله تعالى الله يستهزئ بهم أي يستدرجهم ويمهلهم ويعطيهم شيئا من الخير خديعة لهم ثم يحل بهم العقوبة الرادعة هذا هو الاستهزاء بهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que Allah, il se moque d'eux. C'est Allah qui se moque d'eux en réalité. C'est-à-dire qu'il leur montre que, yani, il leur fait croire qu'ils sont corrects et qu'ils font le bien. Et il leur donne du bien dans cette vie, dans le but de les tromper, pour qu'ils croient qu'ils sont corrects. Et puis, par la suite, il leur fera descendre la foudre du châtiment. Et ça, c'est le fait de se tromper d'eux. De se moquer d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala se moque d'eux de cette façon-là. Il leur donne un répit. Il leur montre qu'ils sont corrects. Il leur fait croire qu'il n'y a pas de problème, hein, que tout va bien. Il leur donne du bien. Et puis, jusqu'au moment où le châtiment va tomber sur eux, et là, ils vont savoir qu'en réalité, ils se moquaient, mais en réalité, ils sont dans la mauvaise position pour se moquer. الشيخ يقول والاستهزاء من الصفات التي لا تطلق على الله إلا في مقام المقابلة فالله لا يوصف بالاستهزاء ولكن يوصف بأنه حكم عدل يوصل الجزاء إلى من يستحقه على وجه لا يشعر به ومن ذلك أن المنافقين يعطون شيئا مما أرادوا في الدنيا من حقن دمائهم وحماية أموالهم ولكن لهم في العاقبة لهم العاقبة الوخيمة. Le cheikh il dit que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala se moque d'eux, ça fait pas partie des attributs qu'on affirme à Allah subhanahu wa ta'ala, excepté dans le but de la, dans le sens de la rétribution. C'est-à-dire que il se moque de ceux qui se moquent, uniquement dans ce sens-là qu'on l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne décrit pas Allah subhanahu wa ta'ala comme ayant l'attribut de se moquer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, on le décrit comme étant sage et juste. C'est-à-dire qu'il donne, ou bien qu'il amène son châtiment à celui qui le mérite d'une façon qu'il ne s'en attend pas et qu'il ne réalise pas. C'est-à-dire, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber sur quelqu'un un châtiment alors que cette personne-là ne s'en aperçoit pas, hein, il est châtié sans même s'en rendre compte, hein, ça c'est la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala se moque des munafiqin. Tu les vois, ils ont une belle vie, une belle voiture, une belle famille, des enfants, de l'argent. Hein, tout va bien pour eux, bon travail. Et donc ils se disent, Masha'Allah, je suis bien, je suis sur le droit chemin. Puis par la suite, Allah les prend avec un dur châtiment. Et donc ça c'est, c'est ça, ce qu'ils voulaient en faisant le nifaq, c'est ça qu'ils ont maintenant. Hein, ils voulaient la douleur, hein, ils voulaient protéger leur sang, garder leur famille. Hein, ceux qui sont des musulmans, les munafiqines qui sont dans les pays musulmans, que ce soit des juifs qui ont montré qu'ils se sont fait passer pour des musulmans, puis en réalité ils sont des juifs ou des chrétiens ou d'autres, ou bien qu'ils sont des athées mais qui se montrent musulmans dans le but de pouvoir se marier, hein, parce qu'ils veulent pas que la société les rejette, ils veulent avoir le droit de profiter des biens de la société. Donc ils vont montrer qu'ils ont la foi juste pour faire plaisir à la société, à la famille, etc. Ils vont faire la salat, ils vont venir dans les réceptions, dans les occasions, hein. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ne croient pas en l'islam. Mais s'ils disent ça, ils savent qu'ils risquent de perdre leurs femmes, leurs enfants, de perdre leurs biens, de perdre leur position. Alors ils font l'hypocrite, hein. Et ils montrent qu'ils sont des croyants juste pour faire plaisir. Hein. كذلك في الآخرة يعطون شيئا من النور في بداية الأمر ثم يسلب منهم فيصبحون في ظلمة كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يطفئ نورهم والعياذ بالله ولهذا يقول المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Donc le cheikh il mentionne, et on va finir avec ça aujourd'hui. Il ne nous reste pas grand chose, mais on va quand même s'arrêter ici parce que ça fait déjà un bon bout de temps qu'on a commencé. Le cheikh il dit, et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, il va leur donner un petit peu de lumière au début. Hein, au début, lorsqu'ils sont au jugement dernier, Allah va leur donner un peu de lumière. Puis ensuite, il va leur enlever cette lumière. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Hadid, le verset 13, le jour où on va dire aux hypocrites hommes et femmes, le jour où les hypocrites hommes et femmes vont dire aux croyants, attendez-nous, on va aller prendre un peu de lumière, ou bien on va prendre un peu de votre lumière. Les croyants vont leur dire, retournez derrière, c'est-à-dire retournez en arrière, essayez de prendre un peu de lumière pour vous-même. Hein, c'est-à-dire, nous, on ne va pas vous donner nos lumières, mais allez retourner vous-même pour prendre leur lumière. Pourquoi ? Parce que leur lumière s'est éteinte. Donc, imaginez, subhanallah, qu'ils sont au jugement dernier et que là, tout le monde, les mu'minines, ils ont leur lumière, hein, leurs membres qu'ils ont fait le wudu va s'éclairer comme de la lumière. Donc eux, Allah va leur donner une lumière au début parce que ils ont montré qu'ils ont fait le wudu, etc. Donc eux aussi ils ont de la lumière. Excepté que Allah subhanahu wa ta'ala va leur enlever cette lumière. Donc ils vont être surpris. Comment ça se fait? Notre lumière s'éteint. Subhanallah. Donc ils vont dire aux croyants, attendez, donnez-nous un peu de votre lumière. Dis non. Retournez en arrière, essayez de trouver votre lumière, qu'Allah nous protège. Et après, il dit que les croyants, eux, ils vont dire, oh notre Seigneur, raffermis notre lumière pour nous et pardonne-nous, c'est certes toi qui as le pouvoir sur toutes choses. C'est-à-dire, quand les croyants voient ça, ils vont dire, bon, raffermis notre lumière, garde notre lumière, pas qu'elle s'enlève comme les munafiqines. Et le cheikh dit « وَإِذَا انْطَفَأَ نُورُ الْمُنَافِقِينَ خَافَ الْمُؤْمِنِينَ فَدَعُوا رَبَّهُمْ بِإِتْمَامِ نُورِهِمْ » C'est ça. Lorsque les mu'minines vont voir ça, ils vont avoir peur, ils vont dire « Oh Allah, préserve notre lumière, enlève-la pas, enlève-nous pas notre lumière. » Et ça fait partie de la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala se moque des munafiqines. C'est des exemples comment Allah subhanahu wa ta'ala se moque d'eux. Il leur fait croire qu'ils sont corrects, puis après, il leur enlève ça. Parce qu'ils ont essayé de tromper les mu'minines et de tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala également les a récompensés de la récompense qu'ils méritent. En fait, on ne doit pas dire Inch'Allah quand on fait un doigt. Donc, c'est un réflexe des fois, à force de dire Inch'Allah, on le dit même quand il ne faut pas. Donc quand on fait un dua, il faut faire un dua avec certitude et avec confiance que Allah va nous répondre. Et il ne faut pas dire Inch'Allah, beaucoup de gens ils ne savent pas ça, ou bien ils oublient. Parce que quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme si tu lui donnes un ordre, dans le sens que tu lui dis si, donne-moi ça si tu veux, hein? Et si tu veux pas, donne-moi pas. En même temps, les ulama, ils ont dit que lorsque tu dis Inch'Allah et que tu fais un dua, c'est comme si tu montres à Allah subhanahu wa ta'ala que tu n'en as pas vraiment besoin et que tu n'en veux pas vraiment, parce que tu lui dis, si tu veux, donne-moi-le. Et si tu veux pas, donne-moi-le pas. Comme si ça m'est égal, yani. Et ça, c'est pas l'attitude qu'on doit avoir lorsqu'on fait un dua à Allah. Donc je vous dis ça en même temps pour vous rappeler. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. On va compléter la suite vendredi prochain, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه